« Je reprends, » dit-il. « Nous nous sommes liés, le baron et moi, par nos coquines. Le baron, comme tous les gens vicieux, est très aimable et vraiment bon enfant. Oh, m'a-t-il plu, ce drôle-là ? Non, il avait des inventions. Enfin, laissons-là les souvenirs. Nous sommes devenus comme deux frères. Le scélérat, tout à fait régence, essaye bien de me dépraver, de me prêcher le saint-sionisme en fait de femme, de me donner des idées de grand seigneur, de juste au corps bleu. Mais voyez-vous, j'aimais ma petite à l'épouser si je n'avais pas craint d'avoir des enfants. Entre deux vieux papas, amis comme nous l'étions, comment voulez-vous que nous n'ayons pas pensé à marier nos enfants ? 3 mois après le mariage de son fils avec ma Célestine, Hulot, je ne sais pas comment je prononce son nom, l'infâme, car il nous a trompés tous les deux, madame. Eh bien, l'infâme m'a soufflé ma petite Josépha. Ce scélérat se savait supplanté par un jeune conseiller d'État et par un artiste, excusé du peu, dans le cœur de Jenny Cadine, dont les succès étaient de plus en plus esbrouffants, et il m'a pris ma pauvre petite maîtresse, un amour de femme. Mais vous l'avez vu assurément aux Italiens, où il l'a fait entrer par son crédit. Votre homme n'est pas aussi sage que moi, qui suis réglé comme un papier de musique. Il avait été déjà pas mal entamé par Jenny Cadine, qui lui coûtait bien près de 30 000 francs par an. Eh bien, sachez-le, il achève de se ruiner pour Josépha.